Quatre victimes, histoire à faire frémir. Tout était convenu depuis la veille entre le grand Choucraft et Reble Rechigner. Ou, pour mieux dire, Reble Rechigner avait, selon sa coutume, arrangé les choses de la façon qui lui convenait le mieux. Ayant des affaires à Colmar pour le lendemain, et ne se souciant pas de faire la route tout seul parce que les loups couraient la campagne, il avait persuadé au grand Choucraft que ses affaires l'appelaient aussi à Colmar. Or, les affaires du grand Choucraft n'étant pas d'une nature bien urgente, le grand Choucraft aurait pu attendre sans inconvénient que le froid fût un peu moins vif. Mais le grand Choucraft était l'obligeance même. Il n'y regardait jamais de bien près quand il s'agissait de rendre service à quelqu'un. Si Reb lui eût demandé tout simplement de l'accompagner, l'autre n'aurait pas refusé. Mais Reb Rechigner était de ces gens qui ne vont jamais droit au but, qui emploient la finasserie là où il serait tout simple de dire franchement ce qu'ils veulent. Il se figurait qu'en demandant, il serait tenu à remercier, tandis qu'en entortillant les gens, il avait le bénéfice de la chose, premier point. Il n'y avait pas à dire « grand merci », second point. Et il jouissait du plaisir d'avoir attrapé quelqu'un, troisième point, et le plus important à ses yeux. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait encore des gens pour pratiquer ce métier de finasserie et de mensonge, car il n'a jamais réussi à personne. Et tous ceux qui l'ont pratiqué jusqu'au bout ont toujours mal fini. Reb, dans tous les cas, n'y avait jusqu'ici gagné ni la richesse, ni le bonheur. Reb, malgré toute sa finesse et son intelligence, était gueux comme un rat, car son commerce allait mal, parce que personne ne voulait plus avoir affaire à lui. De plus, il était rechigné comme une vieille chouette, car il n'avait ni femme ni ami pour l'encourager et le consoler quand ses humeurs noires le prenaient, et elles le prenaient souvent. Il avait demandé dans le temps plusieurs filles en mariage, afin d'avoir quelqu'un à faire enrager pendant les 24 heures que dure la sainte journée. Mais toutes l'avaient prié de s'adresser ailleurs, même la servante de l'aigle noir qui n'était plus jeune, qui n'avait jamais été avenante et qui avait un œil de moins, même celle-là. Les hommes de son âge tournaient la tête de l'autre côté lorsqu'ils passaient. Quant aux jeunes gens, ils disaient entre eux le dimanche, à la brasserie de l'Aigle Noir, que si jamais la confrérie des Rechigniers s'avisait de faire une procession, c'est Reb qui porterait la bannière. Voilà donc ce qu'on disait de lui. Aussi serait-il demeuré tout seul dans sa tanière comme un loup si le grand Choucraft... Mais laissez-moi vous dire que le grand Choucraft n'était point un homme comme un autre. Il savait, comme tout le monde, car ce n'était pas une bête, qu'en cette vallée de misère, choses et gens ont, comme les étoffes, un endroit et un envers. Mais tandis que Reb ne voulait jamais voir que l'envers, lui, il regardait toujours l'endroit. C'est assez dire combien il était bon et charitable. Il avait eu autrefois de grands chagrins qu'il avait encore rendus meilleurs. Quand on le plaisantait un peu sur ses relations avec Reb, il haussait tout doucement les épaules et disait « Il s'agit de savoir le prendre, voilà tout ». Et les gens s'en allaient en se disant l'un à l'autre « Il n'y en a pas beaucoup qui lui ressemblent ». Et voilà à qui Reb se proposait de jouer le jour même ce qu'il regardait comme un bon tour. S'il avait su que toute sa malice lui retomberait sur la tête, mais, comme on dit, c'était écrit. Le grand Choucraft avait dit « J'irai te prendre à 8 heures ». Et Reb avait répondu « Non, c'est moi qui te prendrai ». Mais en même temps, il s'était promis de venir surprendre Choucraft à 7h30. Pourquoi? Parce qu'il supposait que Choucraft ne se mettrait pas en route sans avoir déjeuné. surpris à table, il ne manquerait pas d'offrir à son compagnon quelque chose de bon et de chaud, et un petit verre de kirsch par-dessus le marché. Autant de prix sur l'ennemi. Ayant quelque peine à s'endormir à cause du froid qui était vif, Reb s'était mis à ruminer des finasseries pour passer le temps. « Si je faisais d'une pierre deux coups, s'était-il dit, j'ai deux petits cochons à conduire à l'aubergiste de Plenitz pour la Noël. Je les emmènerai demain. C'est un détour d'une grande lieue, mais ce grand choucraft est si bête qu'il n'y verra que du feu. » Quand le coucou sonna 7 heures, Reb se réveilla brusquement et sauta à bas de son lit, en grommelant contre le coucou qui aurait dû le réveiller plus tôt et contre la gelée qui lui avait mordillé le nez toute la nuit et l'avait rendu aussi dur et aussi froid qu'un glaçon. Après s'être emmitouflé comme s'il s'agissait d'une expédition au pôle Nord, il emboîta son crâne dans un bonnet de laine qu'il tira jusque sur la nuque et ajusta par-dessus une coiffure étonnante qui tenait le milieu entre le képi et la casquette de loutre et qui portait par-devant une visière aussi large que l'auvent du boulanger. Comme le ciel était bas et que ses rhumatismes lui prédisaient de la neige, Reb le rechigné tira de son coin un vieux parapluie de cotonnade qui avait connu de meilleurs jours et s'en alla chercher ses deux petits cochons. Ici, une difficulté se présenta à son esprit. Comment tenir un parapluie ouvert et conduire en même temps deux petits cochons pleins de malice et d'entêtement? À peine posé dans son esprit matois, le problème se trouva résolu. Je les ferai tenir par ce grand bonnet de choucraft. Il fut si content de son idée qu'il appliqua un coup de parapluie à chacun des deux cochons pour leur fouetter le sang et les tenir en joie. « Ah, ah, te voilà !» dit Choucraft d'un ton plein de bonne humeur. « Tu es le bienvenu, mais je ne t'attendais pas si tôt. » Reb répondit effrontément que son coucou avançait. « Eh bien, pour prendre patience, » reprit Choucraft d'un ton hospitalier, « mets-toi à table et fais comme moi. » « Mais qu'est-ce que je vois là ? » reprit-il en apercevant les deux petits cochons. « Tiens, tu nous amènes de la compagnie ?»« Ne m'en parle pas, » répondit Reb en faisant le bon apôtre. « Je suis obligé de conduire cette vermine à l'aubergiste de Plenitz. » « Tu ne m'avais pas parlé de cela ?» reprit Choucraft en se frottant le menton. « C'est loin, Plenitz, et cela nous détourne de la route de Colmar au moins d'une lieue et demie. » « Ne m'en parle pas, » répéta Reb en s'empiffrant de soupe aux choux. « Je serais obligé de te laisser partir seul. Je ne voudrais pas, tu comprends, te forcer. »« Bah !» reprit aussitôt Choucraft en lui versant un grand verre de vin blanc. « J'ai les jambes plus longues que toi, et ce que tu peux faire, je peux bien le faire aussi. À ta santé !» Un sourire de triomphe passa sur les lèvres rechignées de Reb, qui continua à se repaître aux dépens de son compagnon. Quand il eut tant bu et tant mangé qu'il en avait les yeux comme allumés et la peau des joues toute tendue et toute luisante, il déclara qu'il était prêt à partir. De la maison de Choucraft à la Tuilerie, qui est à main gauche, tout alla bien. Choucraft frappait la terre durcie du bout de son bâton, il tirait de grandes bouffées de sa pipe et disait « C'est bon de marcher quand il fait froid !» Reb allongeait des coups de parapluie à ses petites bêtes quand elles se mêlaient de ceux qui ne les regardaient pas, comme par exemple de revenir sur lui pour contempler ses bottes ou d'aller regarder les bornes kilométriques ou de s'avancer jusqu'au fossé pour voir ce que c'était que ce grand feu qui fumait là-bas dans les champs. À la Tuilerie, Reb eut besoin de se moucher. Comme le vent lui rejetait les plis de son grand manteau sur la figure, il ne savait comment s'y prendre, ou du moins il faisait semblant d'être très embarrassé. Tout naturellement, Choucraft lui prit des mains la corde qui retenait les petits cochons. Comme il était la bienveillance même, il déclara qu'ils étaient très jolis. Reb saisit la balle au bond et lui proposa de les lui vendre, tout prêt à manquer de parole à l'aubergiste de Plenitz s'il y trouvait son compte. « Chose promise, chose due, » répondit gravement Shoecraft. « L'aubergiste compte dessus, et je ne les prendrai pas, quand même tu me les donnerais pour rien. » « C'est une manière de parler, » reprit Reb avec une figure déconfite. « Je le sais bien, » répondit Shoecraft avec bienveillance. Et comme l'autre avait remis son mouchoir dans sa poche, il lui rendit sans malice la direction de son petit attelage. À l'endroit où le chemin de Plenitz s'embranche sur la route de Colmar, la neige commença à tomber. Shoecraft releva le col de sa veste, fit le moulinet avec son bâton et déclara que la neige pouvait tomber tant qu'elle voudrait, que cela lui était bien égal. Reb poussa un gros soupir, toussa à fendre l'âme et d'un ton dolent parla de ses rhumatismes. Ensuite, il ouvrit son parapluie le plus maladroitement qu'il put. De plus, comme le vent s'était mis à souffler par bourrasque, Reb eut absolument besoin de ses deux mains pour tenir le parapluie qui folâtrait un peu, et les petits cochons profitèrent de son embarras pour se livrer aux fantaisies les plus extravagantes. « Imbécile que je suis !» s'écria le grand Shoecraft en retirant sa pipe de sa bouche pour prononcer ces paroles mémorables. « Je m'en vais, le nez au vent et les bras ballants, pendant que tu te morfonds avec tes deux bêtes. Donne-moi ça !» Reb eut l'effronterie de se faire prier, de dire que ça finirait bien par marcher droit. Mais Shoecraft ne voulut rien entendre, et les deux petits pourceaux, sentant que la corde était tenue cette fois par une main sûre et exercée, se mirent à trottiner comme deux amours. Au bas de la grande côte qui mène au plateau de Plenitz, les deux petits cochons s'arrêtèrent brusquement, rapprochèrent leurs deux têtes et semblèrent se consulter. Shoecraft s'arrêta patiemment. Ensuite, il demanda à ces messieurs si c'était pour aujourd'hui ou pour demain. Ensuite, il leur donna une toute petite poussée avec son bâton en leur disant d'une voix conciliante « Nous recoserons de ça à l'auberge ». Les deux petites bêtes, enchantées d'avoir affaire à quelqu'un qui les comprenait si bien, repartirent d'un bon trot, et Shoecraft les suivit en riant. Reb restait prudemment à l'arrière-garde, de peur que son compagnon ne vînt à lui dire « J'ai les mains engourdies, à ton tour ». Quand toute la compagnie fut arrivée sur le plateau de Plenitz, le vent cessa de souffler comme par enchantement. « Attention !» dit Shoecraft en prenant un air avisé. « C'est trop beau pour durer. Le vent reprend haleine pour mieux souffler. Et je me trompe fort, ou bien ?» Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase. Une rafale oblique prit le plateau en écharpe. Du même coup, les arbres sifflèrent et secouèrent la neige de leurs branches. Les flocons volèrent avec une telle rapidité qu'ils traçaient dans l'air comme de grandes lignes blanches. Shoecraft n'eut que le temps de jeter son bâton de sa main droite dans sa main gauche pour appliquer son poing sur son chapeau, qui faisait de furieux efforts pour s'envoler. Il ferma les yeux pour n'être point aveuglé, serra les dents pour retenir sa pipe et les lèvres pour n'être point asphyxié. En même temps, il s'arc-boutait du côté d'où venait le vent pour conserver son équilibre. Pendant un quart de minute, il fut comme sourd et aveugle. Il sentit, mais comme dans un cauchemar, que le cochon numéro un piquait droit dans le vent comme un petit téméraire. Le cochon numéro deux, de son côté, se jetait avec violence dans l'autre sens, contournait la jambe gauche de Shoecraft, rencontrait la rafale, se repliait en désordre et enroulait la corde autour de la jambe de son conducteur. Après ce bel exploit, il continua à tirer de toutes ses forces sur la corde et poussa des cris de détresse, la patte en l'air. Son compagnon ne crut pouvoir mieux faire que d'imiter un si bel exemple. Quoiqu'il fût tout à la fois aveuglé, asphyxié, sourd et paralytique, Shoecraft crut entendre un cri de détresse. Reb avait d'abord bataillé de son mieux contre son parapluie, qui s'était retourné d'un seul coup et qui semblait posséder de la rage d'aller voir ce qui se passait dans la vallée. « Ma casquette !» hurla Reb d'une voix si aiguë que Shoecraft, s'oubliant lui-même, se retourna tout effrayé, fit un effort héroïque et ouvrit les yeux. « Lâche-le, malheureux, lâche-le » s'écria-t-il d'une voix tonnante en laissant tomber sa pipe. La casquette avait déjà disparu dans la trombe. Quant au parapluie, semblable à une voile tendue, il attirait peu à peu le malheureux Reb vers la gauche, à l'endroit où le chemin côtoie la pente abrupte de la colline. Ou bien Reb n'entendit pas, ou bien il avait perdu la tête. Pas à pas, il continuait de s'avancer, les yeux fermés vers le précipice. Shoecraft lâcha la corde pour courir à son secours. Malheureusement, sa jambe gauche était prise, et au premier mouvement qu'il fit, il tomba sur la neige. Fouillant aussitôt dans sa poche, il en tira son couteau qu'il ouvrit avec ses dents, parce qu'il avait les doigts gelés, et d'un coup sec coupa la corde. « À moi ! Je suis perdu !» criait Reb d'une voix haletante. En deux bonds, Shoecraft arriva au bord du précipice. Il n'était que temps. Reb, à bout de force, allait lâcher le jeune évrier auquel il s'était cramponné et se laisser rouler du haut en bas du rocher dans les eaux noires et rapides de la petite rivière que l'on entendait murmurer à une grande profondeur. Shoecraft le saisit vigoureusement sous les bras, le remit sur pied et l'aida à se tenir debout. La neige tombait toujours, mais le vent avait cessé de souffler en tempête. « Rien de cassé ?» demanda Shoecraft avec sollicitude. « Ma casquette !» demanda le rechigner d'un ton si piteux que Shoecraft partit d'un grand éclat de rire. « Elle est loin si elle roule toujours !» dit-il en désignant du geste la vallée et la rivière. « Mon parapluie !» reprit Reb de plus en plus rechigné. Shoecraft se contenta de faire un geste qui signifiait clairement « cours après ». « Et mes cochons ?» hurla Reb en se tordant les mains avec désespoir. « Dame, les cochons !» reprit Shoecraft un peu décontenancé. « Le fait est que je les ai lâchés. »« Lâchés ?» cria Reb avec colère. « Je ne te le fais pas dire, tu les as lâchés. Voilà un mot que je retiens et que tu répéteras devant le juge de paix. » Sans ajouter une seule parole, il tourna le dos à Shoecraft et redescendit à grands pas dans la direction du village. Shoecraft, trop ahuri pour répondre, le regarda partir, les bras ballants et les yeux écarquillés. Puis il fit entendre un petit sifflement et haussa les épaules. Quand il eut ainsi exprimé ses sentiments intimes, il ramassa son couteau, le ferma et le mit dans la poche de son pantalon, car c'était sa place accoutumée. Ensuite, ayant retrouvé sa pipe au fond du trou qu'elle avait creusé dans la neige, il en fit tomber les cendres avec beaucoup de méthode, laboura philosophiquement et, quand il l'eut allumée, ne dédaigna pas de ramasser le bout de la corde, le roula avec soin et le mit dans la poche de sa veste, car c'était un homme soigneux. S'étant assuré qu'il n'avait plus rien à faire sur le plateau, il s'avança jusqu'au bord du précipice et murmura avec une conviction profonde. « Tous les juges de paix et tous leurs greffiers par-dessus le marché ne me prouveront jamais que j'aurais dû le laisser rouler là-dedans pour courir après ces cochons. » Il ajouta même en se mettant à trotter pour rétablir la circulation, « Au diable, les deux cochons! Et puis le parapluie, et puis la casquette !» Telle fut l'oraison funèbre des quatre victimes qui avaient succombé dans cette circonstance à jamais mémorable. Les deux petits cochons, enivrés de liberté et affolés par la tempête, avaient couru tout d'une traite à leur perte, car ils étaient tombés étourdiment au beau milieu d'un conciliabule de loups affamés. Le parapluie de cotonnade avait eu le sort de tous les ambitieux. Pour avoir voulu s'élever plus haut que ses ailes ne pouvaient le porter, il avait fait une chute lamentable au beau milieu de la petite rivière. En suivant le fil de l'eau, il finit par arriver à la mer, qui se referma sur lui, comme sur tant d'autres trésors que l'œil de l'homme ne revoit plus jamais. Quant à la casquette, dissimulée dans un creux de rocher, elle descendit la côte à la fonte des neiges et tomba, informe et flasque, au pied d'un pêcheur à la ligne, qui faillit crier de surprise et mourir de peur à la vue de cet objet étrange qu'il prit pour un animal inconnu. Quand Shoecraft repassa devant la Tuilerie, il entendit prononcer son nom et se retourna vivement. C'était Reb qui l'avait appelé. Reb, assis sur un tas de briques, était pâle comme un mort. Il avait les yeux brillants et tremblait de tous ses membres. « C'en est fait de moi, » dit-il d'une voix entrecoupée, « et je ne veux pas mourir comme un mauvais chien sans t'avoir demandé pardon de mes mauvaises paroles. Tout est arrivé par ma faute. » Comme il s'était évanoui sans en pouvoir dire plus long, Shoecraft le prit sur son dos, l'emporta chez lui, le mit dans son propre lit, le confia aux soins de sa femme et courut chercher le médecin. Le médecin se fit raconter par le menu détail les incidents du voyage et secoua la tête en disant « Émotion trop forte après un déjeuner trop copieux !»« Quand je le disais !» s'écria le malade avec exaltation. « Tout s'est tourné contre moi, tout, tout !» Mais c'est bien fait. Pendant toute sa maladie, qui fut longue, il répétait continuellement « C'est mauvais d'être trop fin. » Il vient seulement d'entrer en convalescence. Les gens du village disent que son repentir ne survivra pas à sa maladie. Shoecraft prétend le contraire. Il faudra voir. Le maître d'école du village et les mères qui ont des petits garçons désobéissants, c'est-à-dire presque toutes les mères, leur citent l'exemple des deux petits cochons qui ont péri par la dent du loup pour avoir voulu en faire à leur tête.